touch this. Donc c'était MC Hammer avec You Can Touch This qui a fait un énorme buzz, un énorme hit hein, de ces dernières années. Hein. Franchement c'est un énorme hit. Donc là dans l'émission donc c'est le slasher qui vous parle et vous avez Scream à la technique mais qui est plutôt muet, il fait plutôt la technique. Donc là on va déjà commencer avec une petite chronique, une chronique de quoi ? Alors là c'est du nouveau, tiens ça m'a rappelé des vieux souvenirs, mes premiers trucs que j'avais fait sur YouTube. C'est tout simplement les jeux de cartes, pas forcément de magie mais qui sont beaucoup utilisés dans la magie. C'est les jeux de cartes Bicycle qui sont très très utilisés dans le milieu du poker et de la magie. Et donc là je vais vous décider de vous faire un thème un peu plus horreur peut-être pour cette émission, ça dépend. Et là je vais vous parler de 3 jeux de cartes. Et c'est des jeux de cartes spécialisés sur les zombies. Donc vous avez notamment un premier jeu de cartes qui est plutôt parodique. Donc ça va, c'est parodique envers les zombies. C'est Everyday Zombies qui est super bien fait. Les couleurs sont vraiment éclatent les yeux, des taches de sang franchement. Je vous mets des exemples. Par exemple un zombie qui déjeune ses céréales le matin. Un zombie sur un banc qui a mangé un pigeon. Etc, etc, mais c'est avant tout un jeu de cartes. Et pourquoi il est beaucoup utilisé dans la magie, dans le poker ? Parce que ce sont des jeux de cartes de qualité. Sur les cartes, on peut y retrouver un mini coussin d'air qui fait que ça fait pas de bruit, que c'est vraiment génial. Enfin, ça fait pas de bruit. C'est un bruit satisfaisant, si je puis dire. Je vais vous montrer un petit peu. Vous avez entendu ce bruit ? Il est quand même assez satisfaisant, n'est-ce pas ? Donc ce jeu de cartes, franchement, il est vraiment super bien. Et vous pouvez l'avoir sur vos fournisseurs de magasins de magie, ou magasins de jeux de cartes, ou même les magasins, les grands grands magasins. Maintenant, le deuxième que je vais vous présenter, c'est le jeu, on va pas se casser la tête, c'est Zombie Playing Card. Donc c'est des cartes carrément sur les zombies, qui sont vraiment bien faites. C'est surtout sur un côté dessin, plus bande dessinée sérieuse, si je puis dire. Et tiens, transition en parlant de bande dessinée, on va vous parler de bande dessinée et avec un nouveau partenaire, les loulous. Donc là, franchement, ces cartes sont super belles. Les zombies sont super bien faits. C'est des cartes double face, donc on peut les lire des doubles sens. Et on retrouve derrière le bon petit vieux logo Bicycle derrière ces cartes. Et ça nous rappelle quand même des choses. Et le dernier, c'est le jeu de cartes Zombified, qui est pour moi mon préféré, qui reste dans le thème assez gore. Hein. Moi, j'aime bien tout ce qui est gore dans les films, etc. Donc, ça promet, ce jeu est super bien. Des yeux en sang, etc. Des yeux en sang, etc. Donc, ça promet. Et en plus, Bicycle existe depuis 1885, donc vous pouvez vous imaginer la bouteille qu'ils ont, hein, cette marque, la bouteille qu'ils ont qui est vraiment super bien faite, donc on sent la qualité franchement sur ces cartes. Je crois à mon avis que vous en avez une chez vous, quoi, un jeu de cartes Bicycle, et si vous n'avez pas, je vous conseille au moins pour les avoir entre les mains, même d'un ami ou quoi. Et en parlant de magie, un jour je vais peut-être vous parler, pourquoi pas, des quelques accessoires de magie. Vu que là on a la chaîne Touche à tout, vous pouvez retrouver des présentations de produits en vidéo. Mais avant j'avais commencé avec de la magie et j'avais eu ces jeux de cartes à maman, merci maman. Et j'avais commencé, donc ça a rappelé des souvenirs quand je les ai retrouvés. On va peut-être bientôt peut-être vous parler d'accessoires de magie que j'ai eu, voilà. Donc maintenant on va faire une petite pause musicale avec Michael Jackson, notre grand idole à Scream et à moi, qui restera toujours notre idole et un grand copain à Scream. Donc on va s'écouter mon titre préféré pour moi de Michael Jackson, et c'est Smooth Criminal. Par contre je vous ai mis la version courte. Allez, c'est parti. Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Are you walking? Donc c'était Michael Jackson avec Smooth Criminal, qui d'ailleurs, il a fait un film Moonwalker, qui était tourné d'ailleurs une partie dans son ranch à Neverland, que Scream a visité et m'a donné un avis très positif. Et franchement, j'aurais voulu y aller. Et tiens, en parlant d'histoire triste, bah on allait justement aller voir Michael Jackson avec le Cirque du Soleil, je crois. Et il est simplement décédé, hélas, le jour avant. Et c'était vraiment un grand choc pour nous. Donc Michael Jackson, tu resteras toujours dans nos cœurs, quoi qu'il arrive. Et ta musique nous aura bercé. Et j'ai envie de dire, un petit coup de gueule encore, toutes ces histoires que apporte ce flic qu'on déteste tous, c'est de la connerie. Je vous préviens, c'est de la connerie. Même Scream a été témoin, c'est de la grosse connerie. Ce qu'il raconte, qui peut fermer son... voilà. Donc maintenant, on passe à la prochaine chronique. Je vais vous parler tout simplement de la suite de la Steadicam. Pour ceux qui étaient là précédemment, vous avez eu une petite chronique sur la Steadicam. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté, la playlist est sur la page Facebook et sur le site de la radio www.rqc.be. Et donc là, la Steadicam, je vous ai déjà dit, c'est un objet qui sert à avoir une stabilité parfaite, hein, des plans en travelling très très bien foutus avec sa caméra. Mais il faut savoir qu'il y a quelques détails. Par exemple, si vous achetez une Steadicam, vérifiez le poids. Vérifiez jusqu'à combien de kilos elle peut supporter, notamment le poids. Et vérifiez aussi si le manche de la Steadicam rentre dans le gilet. Et ça, je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Donc vérifiez toujours les dimensions qu'il y a dessus. Par exemple, la dimension du plateau rapide pour voir si vous pouvez mettre votre appareil. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un canon, hein, un canon, et que vous avez plutôt une grosse Sony, très très grosse, je crois pas que ça va faire l'affaire. Donc là, on avait reçu la marque de chez Telectron, donc je crois que c'est ça, parfois je m'embrouille. Telectron, donc encore merci à eux pour ce cadeau. Et tiens, j'ai envie de dire un petit coup de gueule aussi, les gens qui ferment un peu leur clapet en disant ouais machin, vous achetez tout, non, c'est des partenariats. Jusqu'à là, le seul truc qu'on avait acheté il y a longtemps, bah c'était les jeux de cartes, mais tout ça, on les a reçus. Voilà, donc franchement, la Steadicam, c'est un accessoire à avoir pour tous les vidéastes amateurs qui se prennent bien à faire de la vidéo, pas des vidéos de famille, ça non, mais des vidéos vraiment sérieuses, par exemple des petits podcasts ou je ne sais quoi. Ça peut vraiment rendre vos reportages magnifiques. Donc là maintenant, une petite dédicace à ma sœur, à Julianne, qui a fêté son anniversaire, donc t'as 6 ans, Dudu. Et là, profite bien, là c'est ton petit goûter d'anniversaire avec tes petits copains, donc profite bien, tes petits copains. Voilà, profite bien, Dudu. Et bon, là on va s'écouter un petit titre en parlant d'enfance. Ce titre, c'était toute l'enfance de Scream. Il me l'avait fait écouter, il me l'avait fait bouffer. C'était toute son enfance, franchement de 1985. C'est Murphy, Murphy et Murphy. We're gonna have fun. Dédicace aussi à toi, Scream. Bye. Voilà, c'était Murphy avec le titre We Are Gonna Have Fun. Donc, pour une dédicace à Dudu et son anniversaire, profite bien, louloute. Voilà. Donc, maintenant, on va vous présenter un nouveau produit. Donc, c'est quoi, tout simplement? C'est un assez gros package, quand même. Pas aussi gros que la Steadicam, mais quand même. C'est tout simplement, si je vous dis Utopia 360, ça vous dit quelque chose? Déjà, 360, vous pouvez peut-être percuter. Donc, c'est tout simplement le casque de réalité virtuelle de l'Utopia 360. Donc c'est pas un casque de réalité virtuelle tel l'Oculus Rift, etc. On a carrément une implantation de câble pour le connecter à son PC et y jouer. Non, c'est carrément juste un casque qu'on glisse sur smartphone pour jouer à des jeux ou regarder des vidéos en 360. Et franchement, c'est une très très bonne expérience. Déjà, par exemple, la première fois, si vous essayez, vous allez être un peu déstabilisé, voilà, par la vue que vous avez. Mais franchement, c'est vraiment bien. Donc, on regarde surtout des jeux avec. On voit toujours des jeux. Et donc, notamment, il y a le jeu Insidious qui a l'air d'être vraiment super bien. J'ai pas encore testé, mais j'ai lu le synopsis et ça me donne envie de tester. Il y a aussi des petits jeux d'horreur que j'ai fait, par exemple, dans un parc d'attractions hanté avec des clowns. Je dis bien, entre parenthèses, des clowns tueurs, des fantômes, des possédés, etc. Et j'ai bien flippé. Et Squim, il avait essayé. Il n'a pas vraiment flippé, mais il avait bien aimé. Il y a aussi les planches où on passe et où on tombe. Et ça fait vraiment une très très bonne sensation. Et donc, vous pouvez télécharger ça sur tout, notamment Play Store, App Store et Play Store. Donc, pour ceux qui sont sur Android ou Apple, voilà, c'est différent si vous avez la pomme ou si vous avez le petit robot vert. Et vous pouvez aussi acheter à part, ça coûte pas très très cher si vous achetez dans des magasins de bricoles. Surtout, c'est un petit nunchuk, j'appelle ça nunchuk, merci là oui, nunchuk qui sert tout simplement à avoir une genre de mini-manette sur soi. Il y en a plein de marques qui offrent de la meilleure qualité, mais je suis vraiment satisfait avec des bons petits coussins. Et on peut aussi, oui, regarder des films en 360, mais je préfère quand même le bon vieil écran télé, ça ne remplacera jamais toute autre chose. Et pour avoir une meilleure immersion aussi, j'en reviens à ce que je disais, il faut mettre des écouteurs ou un casque pour avoir un son binaural. Donc je m'explique, c'est quoi un son binaural? En fait, c'est un son tout simplement qui passe derrière sa tête, comme si, par exemple, vous avez déjà été chez le coiffeur, je suppose. Oui, tout le monde a déjà été chez le coiffeur. Et qui vous coupe, vous avez le son qui circule comme s'il allait de gauche à droite, c'est ça le son binaural. Ça vous offre tout simplement une meilleure, si je puis dire, prise en main de l'objet. Donc là, maintenant, on va s'écouter un titre que j'ai écouté et réécouté. Encore merci à Scream, mais tu m'en fais découvrir des choses, toi. Et donc, bah, c'est Natural Born DJ avec le titre A Good Day, qui a tout simplement été inspiré du film L'Expérience Interdite, que je n'ai pas encore vu. C'est pas parce que je suis privé de l'âge, non, parce que je n'ai pas encore trouvé dans l'armoire à Scream tellement qu'il y a de trucs. Donc ça me tente vraiment d'aller le voir. En fait, je vous raconte un peu le synopsis, vite fait que je me rappelle. En fait, ce sont des personnes qui font des expériences, qui se laissent, on va dire, se laissent mourir pour voir ce qu'il y a dans l'au-delà. Franchement, j'ai envie de dire, moi qui est assez curieux, qui aime bien tout ce qui est comme ça, paranormal et tout, un jour peut-être vers octobre, on va vous en parler, une émission spéciale paranormale. Et ben, franchement, moi qui aime bien ça, j'aimerais bien essayer, pas de me faire tuer, mais voir ce qu'il y a et avoir une réponse à cette question. Donc c'est tout simplement Natural Born DJ avec A Good Day des DJ belges. Pick up the beat. donc c'était Natural Born Digi avec le titre A Good Day. Donc quand je vous ai dit que c'est inspiré du film, bah tout simplement en fait, pourquoi ? Parce qu'on entend les paroles de ces personnages dans le film Jeux Interdits. Expérience interdite, pardon, je confonds avec le titre Expérience interdite. Donc c'est tout simplement les paroles du personnage. Par exemple, quand ils essayent de réanimer cette personne, one of us, two of us, three of us, voilà, c'est quand ils réaniment la personne. Donc en parlant de film, encore une transition, mais c'est pas possible. Donc bah là, on va vous parler de film, un film d'animation, il y a un film pour adultes, non, vous tracassez pas, un film d'horreur. Donc ce sont des DVD qu'on a eu de chez Universal, donc merci Universal et merci Scream. Donc, tout simplement, là je vais vous parler d'abord du film d'horreur, enfin film d'horreur, c'est The Circle Rings 2017, pas 2002. Le 2002, franchement, c'est mon préféré pour moi. 2002, il est vraiment excellent. Mais là, c'est le nouveau The Ring. Donc, de F. Javier Gurídez avec Melinda Lutz, Axel Rowe, Vincent D'Onofrio, etc. Ils mettent genre épouvante, horreur, mais moi, c'est pas du tout ça que je mettrais. C'est genre un thriller. Vu qu'en fait, qu'on nous explique la scène qui fait flipper pour ce film, c'est pas pour nous vanter, pour dire qu'on a des machins, mais non, pas du tout. Ce film, franchement, j'ai bien aimé. L'histoire est originale, mais voilà quoi, faut arrêter de faire des remakes, des préquels, machin, ça devient un peu saoulant. Donc par exemple, je vous présentais après ce qu'ils font au Forever, bah, il y a quoi, il y a beaucoup de remakes ou quoi, et c'est vraiment un peu dommage. Faut, comme j'ai envie de dire, c'est faut laisser opérer la magie du premier et pas nous en mettre des autres. Par exemple, le moment où je vous dis où la fille sort de la télé, ben on n'a pas le même ressenti que l'asiatique de 2002. L'asiatique de 2002 était beaucoup plus malsain, rien que les mouvements, vu qu'apparemment d'après Scream, en fait, ils avaient enregistré le mouvement à l'envers. Enfin, la fille, par exemple, c'est comme si vous reculez et en fait, ils inversent le truc au montage pour que ça la fasse avancer. C'est assez compliqué, c'est quelque chose de montage, mais ça fait vraiment saccader, comme si vous étiez dans une vieille télé, quoi. Et c'est vraiment super bien fait. Donc, le film dure 1h42. Donc, en fait, c'est quoi l'histoire du film ? Je vais vous lire, hein. Une jeune femme s'inquiète pour son petit ami lorsqu'il commence à s'intéresser au mystère entourant une vidéo censée tuer celui qui la regarde dans 7 jours. Et après l'avoir visionné, elle se sacrifie pour sauver son petit ami. Et alors, une terrifiante découverte, il y a un film dans un film qu'une personne n'avait jamais encore vu. C'est comme par exemple si vous voyez des vidéos, que vous avez des petits flashs et vous vous demandez ce que c'est et c'est vous découvrez des choses. Par exemple, je vais vous parler d'une histoire effrayante, attention. En fait, c'est une vidéo où on voit quelqu'un avec les masques qui servaient à la peste. Avant, on voit cette personne danser, faire des flashs avec sa lumière. Et en fait, il y a des gens, ils ont passé cette vidéo au rayon X, carrément. Et ils ont tombé dessus sur des images de meurtre, tout simplement. Et ça a défrayé la chronique. Donc là, maintenant, on va parler de films un peu plus gentils, un peu plus mieux. C'est Tous en scène, donc qui est sorti le 25 janvier 2017 et qui dure 1h48. Donc au cinéma, oui. Donc ce film est de Grass Jennings avec Patrick Bruel, oui, qui fait la voix de Monsieur Moon, Jennifer Bratoli, Elodie Martelly et encore. Donc c'est de l'animation, de la comédie familiale, donc américain. Et franchement, ce film est vraiment excellent. On a, comme disait Scream dans sa critique Passion Bourrée DVD, je vous invite à aller voir sa chaîne justement. Et bon, on y retrouve toutes les musiques, déjà de tout style, de toute période. Donc c'est vraiment bien, ça peut faire plaisir aux grands. Par exemple, si votre enfant regarde ce film et que l'adulte se remarie dans ses souvenirs et en disant « Ah là là, ce titre-là, qu'est-ce que je l'avais écouté ?» Donc c'est pour les petits et les grands. Et franchement, je vous le conseille vraiment. Donc je vais vous lire le synopsis. Donc c'est Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre. Mais aujourd'hui tombé en déchitude, Buster est un éternel optimiste, un peu bougnon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout ce qui serait prêt à tout pour le sauver. Donc en fait, il essaie de sauver son théâtre et c'est alors qu'il va faire un concours de chant. Et donc il y a personne qui s'engage dans ce cours de chant, un petit cochon, j'arrive pas à le faire, mais bon, c'est pas grave. On a une éléphante, un gorille et deux hérissons et une souris. Enfin, moi, je l'appelle le rat, vu que je déteste ce personnage. Vous découvrirez pourquoi. Donc, le titre original est Sing. Et vous pouvez même y retrouver, si vous procurez le film, des mini-films. Donc, c'est vraiment bien. Après que vous venez mater le film et que vos enfants disent « On en a pas assez, papa », vous pourrez leur faire mater les mini-films. Même d'ailleurs, vous pouvez regarder ces films. Je vous les conseille vraiment. Donc là, on va se faire une petite pause musicale et on va s'écouter un bon vieux R&B américain comme il faut. C'est Public Enemy avec « Don't Believe the Type ». C'est du rap, oui. All to do for me. Bang! Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the road below the level, cause I'm living low next to the base. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the cause some they never had this. Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome of public enemy. Used, abused without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Yes, was the start of my last jam. So here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. They'll book up the new school rap game. Writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers of the same mind, unblind. Caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. Some claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya. A rap burglar, false media. We don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. It's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks. Some perpetrate, they drink Clorox. Attack the black because I know they lack exact. The cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool. Never played the fool, just made the rule. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you. As you get up and dance at the LQ, with some deny it, defy it, I swing bolos. Then it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the wax. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, get me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype. Yo Chuck, they must be on a pipe, right? Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend it for static. I see their tape recorder and I grab it. No you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him. Yo Harry, you're a writer, are we that tight? Don't believe the hype. Donc c'était de l'excellent rap avec Public Enemy, Don't Believe the Hype. Donc, que des souvenirs hein, du bon vieux rap comme on l'aime. C'est plus comme maintenant. Maintenant, c'est, on va dire, du caca. Voilà, on va se le dire. Donc, maintenant, là, on va faire une chronique de BD. Ici, je vous dis un petit personnage jaune avec des taches noires. Vous dites, marsupilami. Et oui, donc là, on a un nouveau partenaire, c'est Dupuis. Donc merci à Coraline de Dupuis pour ce partenariat. On te remercie infiniment. Donc là, notamment, on va commencer avec Marsupilami, La Palombie secrète, qui est le 30e bouquin de Marsupilami. Et donc, ils font un cadeau quand vous avez cette BD. Vous avez un poster au verso et une très très belle couverture. Cette BD, tout le monde la connaît, hein, au moins le dessin animé, si je puis dire. Donc c'est de Franquin, Batem et Coleman. Et donc c'est chez Marsup Productions et Dupuis, bien entendu. Donc là, c'est le 30e, La Palombie secrète. Je me réjouissais de retrouver Marsupilami, malgré que j'ai adoré. Mais j'étais un petit peu déçu, pas par son manque d'originalité, il y a de l'originalité. Mais que, en fait, si l'histoire... Il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait, toute fondée. C'est que, ils prennent un bout et ils rembobinent pour avoir un autre. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire toute fondée comme on a l'habitude de les voir, en fait. Et donc, si je peux vous faire un synopsis, vu qu'il n'y a pas de synopsis, hein, en fait, c'est le marsupilami qui découvre toutes les autres espèces de marsupilami. Donc, c'est-à-dire les marsupilami de montagne, on dirait que ça existe vraiment, les marsupilami de montagne, les marsupilami d'eau, les marsupilami de marécage, plein de petits marsus. Et ce qui me fait vraiment rire, c'est les petits marsupilami, surtout le marsupilami noir, il fait des bêtises et j'adore ça. Franchement, cette BD, vous la lisez, vous la dévorez même très très vite. Je l'ai lu très très vite pour ma part. Et j'ai adoré les bons dessins fidèles à Marsupilami. Un gros gros taux d'humour, notamment ce que j'ai bien aimé, sans vous spoiler la BD, c'est la petite scène de bagarre qu'il y a eu entre le Marsupilami et la personne assez forte de la tribu. Et ça m'avait bien fait rire. Donc là... C'est l'instant balade, voilà, un instant tout doux. C'est Raphaël, donc avec sa chanson qui était en hommage à Patrick Dewey. Et toi, je te connais pas, mais t'es plus ma copine. Et tous les jours et les semaines, tu me fais vraiment de la peine. Non, regarde les autres comme ils s'aiment. Et moi, je connais un bon coin où on pourrait s'embrasser. Je te veux rien, allez viens. Allez. La vie va grand train de l'autre côté. C'est pas ma faute, moi, non. Si je sais pas gagner, regarde comment je dors plus la nuit. Je sais même plus mon nom. Cette petite fille, c'est quoi toutes ces maisons? Oui, ils s'en vont. Oui, ils s'en vont. Et l'autre fois, je te croise dans la rue, et tu me dis même pas bonjour. Et je sais, je fume trop. Café, je meurs tous les jours de l'année. C'est la nuit qui vous prend. Est-ce que tu sens la vie sous nos pieds? Est-ce que ce vide-là, tu le sens? Je t'embrasse. Non, je t'embrasse. Je sais que tu m'aimes. Donc c'était le petit instant balade mielleux avec Raphaël, donc la chanson qu'il a faite en hommage à Patrick Dewaere, on va dire hélas, pas hélas pour la chanson qui est bien, hein, mais hélas ben, simplement d'avoir composé pour un hommage, voilà. Donc maintenant on va passer un instant assez fidèle que vous adorez, c'est l'instant pop. Donc aujourd'hui on a reçu un de chez Funko Pop Popito et donc c'est le pop Nifleur, et si je vous dis Nifleur, vous vous dites ah oui, ce petite taupe là des Animaux Fantastiques qui est vraiment super bien, quand on avait vu sur la liste de nos fournisseurs pardon. Et ben on a été surpris, on a dit oh il est tellement mignon, on va leur demander, et ben ils ont accepté, déjà encore merci. Et ce pop est tout simplement magnifique. Il faut savoir qu'il ne fait pas la taille d'un pop normal, il est beaucoup plus petit que les autres. Mais craquant avec sa petite bouille, et même quand on a visionné le film Les Animaux Fantastiques, ben ce personnage nous a fait vraiment rire. Et quand tout simplement dans le film, comme je disais dans ma chronique vidéo, vous pouvez aussi voir la page Facebook Touche à tout. Et ben quand cette taupe fait une bêtise, on dirait Jenna, notre petit chien qui nous regarde, quand on l'appelle, et ça m'a bien fait rire. Donc notamment dans la collection des Animaux Fantastiques, vous pouvez retrouver Nuit, la directrice des trucs de magie, le méchant et plein d'autres personnages. Il y en a au moins plus de 10, donc quand je vous le dis plus de 10, c'est quand même short pour tout avoir, mais encore merci à Funko Pop Popito. Donc, et aussi, par contre, la tête n'est pas amovible, mais ce personnage se représente comment? Il se représente assis, et en fait, c'est comme un kangourou, il a une genre de petite bourse, en fait, dans son ventre, où il cache des petites piécettes de monnaie, donc c'est vraiment tout mignon. Et il faut savoir aussi que, donc, il y a celui-là qui est normal. On a exactement le même, sauf que la texture est différente. En fait, il a des poils doux, ça s'appelle les Pop Flocked. Donc ça veut dire qu'ils ont les poils doux et qu'on peut les caresser. Et il y a encore une autre édition, mais cette fois-ci, qui n'est pas vraiment limitée. C'est l'autre, donc exactement la même position, assise, etc. Mais il n'a pas ses piécettes. Il a un petit porte-monnaie, donc c'est encore plus craquant. Donc je vous le conseille, c'est le Pop Nifleur de Funko Pop Popito. Donc là, on va faire une petite pause musicale. Allez, un bon Run DMC vs Jason Davis, It's Like That. And it goes a little something like this. Thank you. hands out. Check this out. Donc c'était Run DMC vs Jason Nevins, It's Like That. Donc que des souvenirs, j'ai envie de dire, d'un gros carton ce titre tout simplement. Et malheureusement il y avait un de ses membres qui s'était fait assassiner dans les studios. Donc rip à toi, tu resteras toujours dans nos mémoires et dans nos oreilles. Donc maintenant on va faire un petit programme cinéma avec le Forever Moucron, qui est le cinéma à côté de la radio à Moucron. Franchement vraiment super bien, confortable, franchement je vous le conseille ce cinéma. Donc là on va voir ce qu'ils font au programme. Ils ont All Eyes, c'est pas Eyes, c'est Eyes on Me. Donc dans les séances ils durent 2h19, il y a des séances à 14h, 19h45 et 22h15. Il y a Baywatch, Alerte à Malibu. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure, un remake, encore un remake, mais par contre ils font les pop Baywatch, pas du remake mais l'ancienne version, et franchement ce serait pas mal. Et voilà, il y a le film Wall ou The Wall, qui est un film de guerre qui a l'air d'être très très bien. Il y a La Momie, ah oui, que je me suis quand même réjoui de me voir. Il y a Marie-Francine, bon c'est pas trop mon style de film. Il y a Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, qu'on a eu l'occasion de voir et qui est vraiment bien, fidèle aux autres Pirates des Caraïbes, franchement excellent. Et ils font d'ailleurs des pop Pirates des Caraïbes. Et il y a même Paul McCartney. Il y a aussi Comment j'ai rencontré mon père, va savoir pourquoi. Alien Covenant, que j'ai aussi vu et qui est vraiment excellent, bien gore comme les autres aliens, j'ai kiffé. Il y a Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Il y a Get Out, qui a l'air d'être super bien, qui a fait d'ailleurs un phénomène. Il y a Mes Vies de Chien, Les Gardiens de la Galaxie 2, qui est encore là, vu que je vous l'avais présenté dans la première émission, si vous vous rappelez. Il y a Baby Boss, un film d'animation qui a l'air d'être vraiment bien et qui font d'ailleurs les pop. Il y a Les Schtroumpfs, Le Village Perdu, qui est un film d'animation et qui n'est pas en fait comme les autres Schtroumpfs, les autres films, c'est juste un truc d'animation. Et donc ben là, on va se laisser avec Toto Africa. Donc là je vous dis, la semaine prochaine je ne serai pas là pour cause de résultats d'examen, que voulez-vous. Et la semaine d'après je vais laisser mon siège à la frégade qui va animer. Donc c'était le Slasher, on se retrouve dans 2 semaines. Je vous fais des gros bisous dans 3 semaines, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.